Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Más que mille imágenes en français. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Nous voudrions tout d'abord vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2008. Les mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. C'est pourquoi les élèves du niveau intermédiaire vous présentent leurs meilleurs vœux. Écoutez-les. J'ai le plaisir de m'adresser à vous afin de vous souhaiter pour vous ainsi que pour vos proches une bonne et heureuse année 2008. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur avec les moins des moments pénibles ou des mauvaises nouvelles que la vie nous apporte malheureusement aux uns et aux autres sans que l'on y soit souvent préparé. Agissons ensemble afin que personne ne puisse se sentir exclu du système. Que cette nouvelle année qui débute vous apporte santé et réussite et qu'elle nous donne la joie de nous retrouver. Que cette année qui commence voit se réaliser vos vœux les plus chers, aussi bien sur le plan personnel et familial que professionnel. Laissez-moi vous souhaiter une très bonne et heureuse année et que bonheur, amour et prospérité soient les mots-clés de cette nouvelle année qui commence. Je repars à zéro. Non. Je vous souhaite une très bonne année 2008, pleine de rencontres et de belles surprises. Que la santé, l'amour et la réussite nous accompagnent dans tous nos projets. Que notre amitié illumine cette nouvelle année de tout le plaisir et la joie qu'elle permette de partager. Une année s'est écoulée, une autre frappe à la porte avec ce lendemain à découvrir ensemble. Profitons de ces jours pour souhaiter à ceux que l'on aime le plus de bonheur possible. Que l'année 2008 vous apporte tous les succès dont vous rêvez. J'espère que 2008 sera pour vous l'année de la réussite des beaux projets. Prendront le temps de vivre, d'être libre, mon amour. J'aimerais parler un peu mieux le français. Il serait bon aussi de toucher un meilleur salaire pour le même travail. Nos habitudes, nous pourrons rêver notre vie. Nous aussi, nous espérons que le pouvoir d'achat du consommateur espagnol augmentera. D'un autre côté, nous souhaitons que les problèmes du terrorisme finissent. Tout est possible, tout est permis. J'espère que tous les enfants du monde sauront lire et écrire. Et je compte passer tous mes examens de français, bien entendu. Sur les murs. Je voudrais que les immigrés trouvent un travail pour pouvoir mieux vivre en Espagne. Mon vœu pour cette année est que tout le monde laisse de côté l'indifférence et que les gens fassent attention aux petites injustices qui arrivent

et aulas européennes, qui s'adresse aux professeurs de l'enseignement secondaire. Ce cours sert à promouvoir l'usage des langues étrangères au lycée. La Junta souhaite que les professeurs fassent cours en français. Dans la prairie, comme des oiseaux volant vers l'infini. Bien sûr, comme professeur, j'espère que tous les élèves apprendront, qu'ils aimeront les savoirs, qu'ils auront plus de curiosité pour se surpasser. Finalement, que les politiciens dialogueront et feront un pacte pour l'éducation. C'est ainsi que les lois ne changeront plus et le travail des professeurs et des élèves sera enfin reconnu. Et si tu m'avais cherché, je t'ai cherché. Soir en soir. Il nous fait plaisir de présenter nos vœux à tous les auditeurs de cette émission de radio. Je t'ai trouvé. Je vous souhaite une bonne année 2008. Il n'est pas trop tard. Je suis convaincu qu'avec la passion et l'enthousiasme, nos souhaits se réaliseront bientôt. J'espère que tout le monde sera heureux. Avec moi, sur ton île aux mimosa, nos orions. J'espère qu'il y aura de la paix pour tout le monde et que les désirs de tout le monde s'accompliront. J'espère qu'il n'y aura ni pauvreté ni guerre. Je souhaite que la nouvelle année vous apporte du bonheur. Bonne année 2008. Bonne année 2008. Vivre et mourir. J'espère que les politiciens arriveront à trouver une solution définitive pour arrêter le réchauffement climatique. J'espère que le pouvoir politique pourra freiner les changements climatiques, la pollution, la déforestation, etc. J'espère que tout le monde fera quelque chose pour faire de la Terre une planète de plus en plus juste. En ce qui concerne mes résolutions, j'élèverai mes enfants dans le respect de la nature. Nous ferons le recyclage du verre, du plastique et du papier pour que mes élèves le fassent à la maison. Nous aurons une plante dans la classe. Nous l'arroserons tous les jours. Ainsi, les élèves apprendront l'importance de prendre soin de la nature. Pour la nouvelle année, moi j'aimerais, à titre personnel, perdre quelques kilos, 3 ou 4, avoir la santé physique et morale, que ça aille bien pour mes proches, plus d'argent, plus d'amour et 10 ans de moins, sauvegarder la planète, avoir une société plus équitable, la paix pour les gens de bonne volonté, beaucoup de bonheur et de prospérité. Et finalement, une bonne dose d'humour, de tolérance et de respect. Sur ton île aux mimosa. Trois souhaits pour cette nouvelle année. Un souhait pour la paix. La fin des guerres dans le monde. Un souhait pour la Terre. Arrêter le réchauffement climatique. Un souhait pour l'humanité. Joie, bonheur, paix, amour, santé et prospérité. Mais la nouvelle année est traditionnellement l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Voici celles de nos apprenants. Manger sain. Participer aux tâches ménagères. Faire du sport pour perdre les kilos que nous avons pris pendant les fêtes de Noël. Arrêter de fumer. Classer ma collection de timbres. Étudier et lire davantage. Ne pas me fâcher. Acheter une maison. Rencontrer mes amis plus souvent pour sortir avec eux prendre un pot. Faire des économies. Aider mes enfants à faire le devoir. Aller au travail à pied et ne pas utiliser la voiture. Apprendre d'autres langues et trouver un boulot. Favoriser la protection de l'environnement en triant les ordures ménagères, par exemple pour qu'il y ait moins de pollution et pour arrêter ainsi le réchauffement climatique. arrêter de ranger maison. Consacrer une heure par jour à écouter des émissions en français. Consacrer la plupart de mon temps libre à préparer le bac pour ainsi obtenir les résultats dont j'ai besoin pour mes études universitaires. Être plus patiente, plus tolérante, plus heureuse et rendre plus heureux à ceux qui m'entourent. J'aimerais aussi mieux m'organiser pour faire les choses que j'aime et pour ne pas passer la journée à travailler. J'espère être plus solidaire, participer à la vie associative pour connaître les problèmes du quartier, de l'école, etc. Je ferai de mon mieux pour réussir ce cours de français avec de bons résultats. Mais il y a aussi des pragmatiques qui n'ont pas de résolution parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses. Je n'aime pas faire de résolution parce que tous les jours de l'an sont pareils. Je connais des personnes qui disent toujours ce que vous venez d'écouter. Je vais me ruire et faire beaucoup de sport. Et finalement, elle laisse tomber. Comme ma mère, par exemple, qui dit « Je suis très grosse et je vais perdre au moins 10 kilos ». Mais après avoir mangé la galette des rois, elle oublie tout. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le premier jour, nous allons au gymnase, nous mangeons de la salade et nous ne fumons pas une seule clope. Mais le troisième jour, nous passons l'après-midi à regarder la télé, allongés sur les canapés. Nous nous bourrons des sucreries et nous fumons des paquets de tabac pour compenser. Que vous ayez de bonnes résolutions ou pas, nous vous souhaitons encore une fois bonne année. Pour ceux qui croient aux résolutions, bonne chance et pour les autres, courage pour l'année prochaine. On se retrouvera en février. On compte sur vous. Merci de votre attention et à bientôt. L'espoir fait vivre, la musique me délivre. J'aurais pu me servir de la misère pour vendre des disques. Aigri, j'écris des textes tristes en fantaisie. J'aurais du mal à me faire comprendre par le langage des signes. J'aurais pu être infirme, mes pensées se dessinent. J'aurais pu naître et faire partie d'une race qui se décime. J'aurais pu être cette jeune adolescente anorexique. J'aurais pu finir derrière les barreaux à cause des flics. J'aurais pu être cet orphelin avec toute sa déprime. J'aurais pu être ce père à qui on refuse des crédits. J'aurais pu être alcoolo-dépressif, finir débile. J'aurais pu finir psychopathe ou bien commettre des crimes. J'aurais pu être ce clandestin renvoyé au pays. J'aurais pu être cet homme défait à cause de mon treillis. J'aurais pu être ce gosse de riche qui va tirer des lignes. J'ai eu une chance de pouvoir faire des rimes indélébiles. On a pour seule solution le courage et la volonté de pouvoir se dire que l'espoir peut faire vivre. La vie c'est plein de surprises. Le seul horizon c'est de prier pour un meilleur avenir. On a pour seule solution le courage et la volonté de pouvoir se dire que l'espoir peut faire vivre. La vie c'est plein de surprises. Le seul horizon c'est de prier pour un meilleur avenir. Parce que l'espoir fait vivre. Parce que l'espoir fait vivre. J'aurais pu être ce rappeur qui a pris le melon. J'aurais pu être ce SDF à qui on donne pas de centimes d'euros. J'aurais pu être en phase terminale. J'aurais pu être aveugle, vivre dans un couloir interminable. J'aurais pu toucher un salaire minable, trimer toute ma vie sachant que je pourrais pas m'acheter une belle villa. J'aurais pu avoir un garrot sur les bras, péter un câble après avoir trouvé un bel inconnu sous mes draps. J'aurais pu être réveillé par les huissiers, avoir une vie brisée, me péter les deux jambes comme Jibril Cissé. J'aurais pu être au volant avec des potes, avoir un accident bêtement et être le seul survivant. J'aurais pu être sur un fauteuil roulant. J'aurais pu combattre en Afghanistan sans que personne soit au courant. J'aurais pu ne pas avoir d'eau courante, vivre en Afrique du Sud dans une de ces favelas chaud bouillant. On a une seule solution, le courage et la volonté de pouvoir se dire que l'espoir peut faire vivre. La vie c'est plein de surprises. Le seul horizon c'est de prier pour un meilleur avenir. On a pour seule solution le courage et la volonté de pouvoir se dire que l'espoir peut faire vivre. La vie c'est plein de surprises. Le seul horizon c'est de prier pour un meilleur avenir. J'aurais pu être cette gosse de foyer. J'aurais pu être cette daronne qui ne peut pas payer son loyer. J'aurais pu être ce voisin de palier qui noie son chagrin dans l'alcool parce que son ex-femme s'est remariée. J'aurais pu aller au resto du cœur. J'aurais pu avoir du talent sans jamais trouver de producteur. J'aurais pu être un enfant abusé, tomber dans la délinquance et finir dans le box des accusés. Et j'aurais même pu grandir.